Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le frère et les sœurs qui nous suivent à partir des ondes, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui saluent l'Église sans perdre beaucoup de temps. Nous avons la sœur Marie Kizabi, prédicateur frère Lupapula, Mubiri frère Lupapula, Dada Manyonga, la sœur Manyonga de Finlande, frère Kasongo, Mubiri actuellement à Kuchikapa, le frère Kasongo, prédicateur actuellement à Chikapa, et beaucoup de frères et de sœurs, ils ont salué l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons sans tarder pour prier et lire sa parole. Notre Père Céleste, te disons merci parce que tu as conduit nos pas jusqu'ici sous la pluie avec d'autres circonstances, mais cela ne nous a pas empêché de venir ici. Tu savais que nous allons venir ici. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre temps, mais c'est pour être béni. Et la bénédiction c'est en te trouvant toi. Quand nous allons lire ta parole, lorsque nous lisons, nous attendons à toi. C'est toi l'interprète de ta parole. Descends. Réponds aux besoins de chacun de nous. Pour notre joie et pour la gloire de ton Seigneur. Je crois que tu vas nous bénir parce que je l'ai prié avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout n'a joué à royauté là-bas qui ressemble à but l'autre et à fille qui a fait un mal à peine à mon. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ou alors il y a qui t'a fait un coup sous d'ilac. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. On est allé à Tangoura Koudjou à la Taïche, on n'a pas de quoi. Picha ya mwana wake. Afrique, son fils fut le premier né. Kusudi mwana wake au mzali kwa kwanza. Katikati ya nduku wengi. Et ceux qu'il a prédestiné. Na wala tangwa kutaisha. Il les a aussi appelés. Aliwaita tena. Et ceux qu'il a appelé. Na wala aliita. Il les a aussi justifiés. Aliwesabia haki. Et ceux qu'il a justifiés. Na wala alisabia haki. Il les a aussi glorifiés. Aliwatukuza vile vile. Mungu abariki neno yake. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, kama Mungu ni wetu, qui sera contre nous? Ni nani atakuya ngambu kutukombanisha? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nani atakombanisha kama Mungu kungambu yetu? Et lui qui n'a point épargné son propre fils, yeye akwepushe mwana wake wa pekee, mais qu'il a livré pour nous tous, lakini alimtoa jua sisi wote, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Namna kana tsin tupatia vitu vyote pamoja naye. Vraiment, depuis mercredi, nous avons oublié sauti qu'on a sema être pardonné. C'est depuis le mercredi que nous prêchons sur Kusamewa. Kama unabeba tu ima texte mina soma. Lorsque vous prenez ces textes que nous venons de lire, unaweza kufanya hata un mois qu'on a répété paka pa imam. Vous pouvez faire même un mois en train de répéter seulement ici. Kusemea tu ya kusema. Parler seulement. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tunajua kusema bitu biote biko na tumika kufuatana bala mpenda Mungu. Selon sa volonté. Ya wale wenye kuita kufuata mapenzi yake. Hii tu ma écriture utakawia sana. Nous pouvons faire longtemps ici sous ces écritures. Na hii écriture il y a Romains 8 verset 28. Ay concerne kanisa mujima. Ne concerne pas toute l'église, non. Na concerne batoto. Cela concerne uniquement les enfants de Dieu. Inaangalia paka batoto ya Mungu. Cela concerne uniquement les enfants de Dieu. Mais tunaenda sasa mu 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Makumi tatu na mbili. Yeye ashikwepushe mwana wake. Il a livré pour nous tous. Lakini alimutoa njoa siote. Comment ne donnera-t-il ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Namna kana tashinda kutupatia vitu vyote pamoja naye. Na yo ipa kuishikia hii écrite. Et cette écriture aussi pour comprendre. Ni Mungu yuko napenda kuonesha kusema. Dieu veut montrer que kama Mungu alitupardonner. Si Dieu nous a pardonné. Na aliweza kushinda biote. Et il a tout vaincu. En tant que vainqueur. Sans mushindaji. Namuna kanasa tupatia vintu vingine. Comment est-ce qu'il peut pas nous donner autre chose? Fwani semune bien pour le pour. Je vais encore revenir lentement. Simplicité. Katika unyenyekevu. Kama Mungu angeliweza alituokoa. Si Dieu il nous a sauvés. Okovu hein. Le salut. Yo iko ya nguvu sana. C'est ce qui coûte très cher et très difficile. Kama aliweza ya nguvu. Si Dieu a réussi ce qui était très difficile. Sasa utuloko atashindaje kutupatia. Des petites choses ici, comment est-ce qu'il sera incapable de nous donner? Unamna ingine. Autrement dit. Mtu le mwenye kuokolewa. Un homme sauvé. Ana na boka ya kintu. Il n'a pas peur. Juana yu asema okovo. Il sait que le salut. Jo kintu kia nguvu sana. C'est la chose la plus difficile. Mishu koma niko na répéter imam. Je ne sais pas pourquoi je vais répéter. Na répéter ya kusema. Je rêve encore. Kuko bantu mukanisa. Il y a des hommes dans l'église. Na leo hii. Jusqu'à aujourd'hui. Na riita paka sema shebanza. Ils se disent toujours les pécheurs. Aba ya amini. Parce qu'ils n'ont pas encore cru. Dans COD, on a posé la question à Frère Branham. C'est Frère Branham. Donc Branham. Est-ce qu'un chrétien peut être pécheur? Le Frère Branham a dit non. Il n'existe pas aucune écriture. Andi kwa kunata moya. Dans la Bible. Mu Biblia. Il dit qu'un chrétien c'est un pécheur. Mu Christu ni mtenda zambi. Vous n'avez pas compris. C'est ma Branham. On a posé la question. Branham. Est-ce que mu Christu anaweza kuwa mtenda zambi? Est-ce qu'un chrétien peut être pécheur? C'est ma. Il répond. Dans la Biblia. Dans la Bible, il n'y a jamais eu d'écriture qui dit un chrétien peut être au même moment pécheur. Et il bascule la question à cette écriture. Ça, je prêche comme ça. Pour que toi, chrétien, que tu puisses savoir que tu n'es pas un pécheur. Jésus a pris tes péchés. Nous branchons de plusieurs manières. Mais cela ne fait pas de nous des pécheurs. Jésus nous a sauvés. Jésus a nécha kutukoa. On avait pas référence à l'écriture. 1 Jean chapitre 3. Yohana kwanza sura ya 3, il a pris comme référence. Dans Jean 4, quiconque pêche transgresse la loi. Yote atenda zambi na vunja sheria. Et le péché est la transgression de la loi. Na zambi na kuvunja kwa sheria. Or vous le savez. Japo mumu najua. Jésus a paru. Yesu alionekana. Pour ôter le péché. Njua kondoa zambi. Et il n'y a point à lui de péché. Na ndani yake amuna tena zambi. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ule yote eko ndani ya Yesu atenda kizambi. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Yote atenda zambi ashikumone kamu na shimujue kamu. Watoto kidogo. Que personne ne vous séduise. Mutu atama shimitongoze. Celui qui pratique la justice est juste. Ula tupikia waki mwenyaki. Comme lui-même est juste. Kwa vile ye mwenye ni mwenyaki. Celui qui pêche est du diable. Ula atenda zambi ni wa shetani. Car le diable pêche dès le commencement. Et le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Sababu ni mbeko wa Mungu ndani yake. Il ne peut pécher. Hawezi kutenda zambi. Parce qu'il est né de Dieu. Sababu anesha kuzaliwa kutoka kwa Mungu. Kama unazalikiwa mara ya pili. lorsque vous êtes né de nouveau, c'est alors que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et Dieu, il est devenu automatiquement ton père. Et il est devenu ton Dieu. Après la victoire de Jésus, avant de monter, il a dit, je m'en vais au père. Et votre Père, c'est mon Dieu, na Mungu wenu. Et votre Dieu, ni après victoire, Nikisha Ushindi. Imangaribi. Et ce soir, minarudi hapo tena. Je reviens encore. Bale beko pardonne, ceux qui sont pardonnés mele ya Mungu, devant Dieu, abana tena ba coupable. Ils ne sont plus coupables. Ba yakumiwa. Jésus a pris notre culpabilité. Yesu arrivé à makosa yetu. Arrivé ba. Il a pris ça. Quand vous regardez, vous allez voir, c'est comme si vous êtes de rien du tout. Mais quand tu écoutes la parole, tel que nous prêchons là, tu vas te donner maintenant de la valeur. Et personne ne peut se jouer de toi ici à Kambo. Romains chapitre 5. Waroma Tano. Romains 5. Waroma Swakatano. Verset 8. Romains 5:8. Danos musalaki ya munane. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mungu eone nikanisha mapendo yake kwetu. Asek lorsque nous étions encore des pécheurs. Mula kusema mwakati tulikuwa watenda zambi. Christ est mort pour nous. Kristu yeye alikufa juu yetu. A plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Sasa mara ngapi sasa mui wakati unaacha kuhesabia haki kupitia damu yake? Serons-nous sauvés par lui de la colère? Tutaokolewa naye kupitia kasirani? Je, hatutakufuata tena. Nous ne mourrons plus. Moto hatuyongopake. Nous n'avons pas peur de feu. On arrange pas notre vie pour craindre l'enfer, mais nous arrangeons notre vie parce que nous l'aimons, c'est lui qui nous a sauvés. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. A plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Kupitia yeye njo tururudia mu mapatano. Alléluia. Oh, tu as donné de nouveau. Oh, chaza comme la pire. Oh, tu as réconcilié avec Dieu. Tout celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu n'a pas droit de se glorifier. Il n'a pas anana uwezo kujitukuza. Gloire à Yeto. Notre gloire en Jésus-Christ. Ni ndani ya Yesu Kristo. Il a bien dit que celui qui se glorifie, ule onijitukuza, se glorifie d'avoir connaître le nom du Seigneur. Ajitukuze sababu anajua jina ya Bwana. Se glorifie. Na jua kujitukuza en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Tuko sauvé. Chakokolewa. Et Colossiens chapitre 1er. O Colossae sura ya kwanza. Verset ya kizikuwa ya 19. Colossiens 1er 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Kwani Mungu alipenda utele yote patikana ndani yake. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Na kupitia Yesu Mungu alipenda apatanishe byote na yeye mwenyewe. Tant que ce qui est sur la terre. Na bien yuko pa dunia. Et ce qui est dans le ciel. Na bien yuko mu mbingu. En nous faisant la paix par lui. Utufanisha salama kupitia yeye. Par le sang de sa croix. Kupitia damu ya msalaba yake. Kama unaamini neno ya Mungu, lorsque vous croyez à la parole de Dieu, unakuwa honorable, vous êtes devenu mheshimiwa. Na namna yako ya kutembea inachange. Et même ta façon de marcher changera. Mungu anakuhonore. Dieu t'a honoré, anakuheshimisha. Juu naamini neno yake. Parce que tu crois à sa parole. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Vous faisant paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la création sous les cieux, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'évangile kani, c'est quel évangile? C'est l'évangile qui dit Jésus-Christ est mort pour nous. Parce qu'il est mort pour nous, tous nos péchés, il a porté ça dans son corps au bois du calvaire. Et tout. Comment les gens s'étonnent. Ils disent, vous, comment est-ce que vous avez reçu avec ces messages? Ces messages sont trop durs. Ça interdit aux gens de prendre la bière. Ce message interdit aux gens de se maquiller. Interdit aux gens de mettre de mèches. Vous, comment est-ce que vous êtes toujours là? Ce n'est pas nous. C'est lui qui a réussi à notre place. C'est celui qui nous a appelés. Parce qu'il a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi vous serez des vainqueurs. C'est là que j'avais dit au début, lorsque quelqu'un a fait longtemps le message, et il est toujours problématique, il n'a pas cru là au début. C'est lui qui a cru. Maïsha yake ikuna badirika. Colossiens 2, verset 8. Nous avons une grande victoire. 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Mukebe ange, jukushko muto amifamu kwa chakula yake kupitia mawazo na misemo yake. S'appuyer sur les traductions des hommes et sur les rythmes du monde. Mukutegemea pabisela tu yabatu na mazoezo ya mudunia. Et non sur Christ. Apana yule ya Kristo. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Kwani utele au Mungu yote likala ndani ya Yesu. Vous avez tous pleinement loué. Qui est le chef de toute domination. Ya kwamba yeye mkubwa wa mtawala yote. Et de toute autorité. Na uwezo yote. Abantu pa dunia. Les gens de ce monde. Ba maikanka. Les ikanka. Ba rose chrétien. Rose croix. Ba kara ba kala ba ma maître ya karaté. Le maître karaté. Ba formateur ba ma karaté. Le formateur. Beko na ba maître ba bo mukila. Et aussi ils ont de maîtres dans chaque domaine. Monsieur. Mais nous. Oui, domaine ya Bible. Dans ces domaines de la Bible. Maître, moi, ya, nous avons un seul maître. Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Et aussi, ils ont l'habitude d'invoquer. Ils disent ça, Dieu a tout chouchou. Mais nous, nous acceptons. Oui, Dio. Nous invoquons aussi. Mais ce que nous invoquons, c'est le nom du Seigneur. Jina ya Bwana. C'est lui qui invoque le nom du Seigneur. Nous le connaissons, Jina ya Bwana. C'est lui que nous invoquons. Et c'est lui notre maître. Et notre maître. Il dépasse tout le maître du monde. Lorsqu'il était sur cette terre, le magicien, le féticheur, ils sont allés devant lui, ils ont essayé et ils ont dit, celui-ci, il est le prince de Belzéboul. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand nous croyons en lui, nous n'avons pas peur des démons, parce que notre chef à nous, c'est lui le chef des démons. Hier, je vous avais dit, ma église, ikona ba fondateur yayo. Les églises ici que vous voyez, ça de leurs fondateurs. Na ba na ita ka ba visionnaire. Et on les appelle des visionnaires des églises. Kama na kufua, lorsque ces visionnaires sont décédés, on dira dans les quartiers, kama ikanisa ita endelele. On ne sait pas si cette église ira de l'avant. Visionnaire wayo parce que le visionnaire est décédé. Mais, visionnaire, oui. Mais notre visionnaire à nous, kufua, il était mort. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Amen. Nous continuons à lire dans Colossiens où nous étions. Car en lui habite complètement toute la présence de la divinité. Daniel Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. De la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qui a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité avec lui. Par la foi. Et à la puissance de Dieu. Il a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Avec lui. En vous faisant grâce. Pour toutes vos offenses. Maintenant, comment est-ce que vous croyez? Amen, metta mungo sauvé. Wakati mama shako kolewa. Amen, metta mungo bapesha. Mule wakati mama wakumtenda zambi. Amu bi comprendre. Là, tu n'as rien compris. Amen, metta manzambi yako yote barive. On a porté tout tes péchés. Amen, metta ukonai. En même temps, tu as encore les péchés. Ah, on ne sait pas où qu'on séduit. Tu ne vois pas que tu es séduit. Chéri, tu n'as mine. Nous croyons. Malgré ma faiblesse, j'avais dit malgré nos faiblesses, ma ouzaïfu. Mais nous sommes déjà croyants. Il est ma faiblesse. Nos faiblesses là. Ne fera rien. Celui qui a commencé cette œuvre en nous l'accomplira. Mais accepter que nous sommes des pécheurs. Non. Ça, nous refusons. Il a tout pris. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il est tout court. Il subsistait contre nous. Il a détruit. En le clouant à la croix. Ce que ma dossier est. Nos dossiers à nous. Ya manzambi yetu yote. Makaritas ile kwasha kupanga là où il y avait nos péchés. On a expliqué bien. On a sema bien. Ile ba kwasha kupanga mu étage. On avait déjà classé nos dossiers de péchés. Mu classeur mu le kunasema. Dans des classeurs. Dans les fards on avait classé. On met dans le bureau. Mais quand Jésus est mort, il a retiré dossiers. Il n'a pas mis ça à côté. Un jour, je regarderai ce problème. Non. Il a pris, il a déchiré. Et notre problème était terminé. Et les diables qui étaient ici, nous te disons ici, toi qui es ici, tu souffres pour rien, diable. Nous n'avons pas de dossier avec toi. Jésus-Christ nous a rachetés. Natuko Uru Kabisa. Il a déchiré. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit à l'éclouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, mamulaka, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. À notre niveau de la foi, il n'y a personne qui va nous faire. Père. Il y a un devin là au quartier. Atama. Il, lui-même, il va déménager. Atama. Il va fuir le quartier. Eko voisin. Il est mon voisin. Atakimbi. Il va fuir. Niveau yetu inapanda yu. Notre niveau est vraiment très supérieur. Dans le quartier, il y a maintenant un magicien dans le quartier. Lui-même, il sera troublé. Avec ces magies-là, ça sera détruit. Parce que notre niveau est tellement plus élevé. Ne nous rabaissez pas. Laisse-nous monter. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes les gens de haut niveau. Donc, après avoir accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus ourou. Et nous aussi, nous sommes devenus le vainqueur. Pas le vainqueur d'un démon, non, non. Tous les démons. Tous les démons que Jésus-Christ avait vaincus. Nous aussi, nous sommes les vainqueurs sur ces démons-là. Jésus-Christ, il a laissé en disant, vous aurez des tribulations sur la terre. Vous aurez des difficultés sur la terre. Mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Frère, donc, imaginons, dans ce message, faire 10 ans dans ce message, Ninéma, faire 40 ans dans ce message, dans l'église, toi tu ne touches pas même pas au sein des sœurs, tu ne tapes même pas la sœur au dos, c'est une grâce. Aina kurita pa. On, ce n'est pas pour se vanter. C'est la grâce de Jésus. Badada bandoko. Il y a des frères, sœurs. Mushangarie mama jaribu. Ne regardez pas aux tentations. Mushangarie Jésus. Regardez à Jésus. Tunarudia mu Romains chapitre 8. Retournons dans Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset y a 34. Dans son verset 34. Pas 33. Qui accusera les élus de Dieu? Et ni nan ou la tasta qui a teulé à mon. C'est Dieu qui justifie. Ni mon, Dieu ne sabia aki. Après la justification. Qui ne sabia aki? Les accusateurs n'ont plus de pouvoir. Bale bakwenda kuchonga abana tena na uwezo. Qui les condamnera? Et ni nani atawakumu? Christ est mort et Christ est mort bien plus. Christ alikufa na zaidi. Il est ressuscité. Alifufuka. Il est assis à la droite de Dieu. Na anesha kala kuume ya Mungu. Et il intercède pour nous. Na eko ne tuombea. Et na tusemele. Il intercède pour nous. Lorsque vous commettez le péché à 10 heures, Satan en appelait un rapport. Le diable amène le rapport que celui que tu es en train de vanter, il a commis le péché. Comme Satan lui ne va pas devant, Dieu a déjà vu qu'il va se repentir à 17 heures. Il va mettre cela en ordre à 17 heures. À 17 heures, Dieu lui dit quitte-le ici. Et le diable s'est énervé et il est en train de parler pour eux. Oui, il est en train de prêcher pour nous. Parce que lorsque la parole sera prêchée, nous rangeons notre vie à la parole. Qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Il les condamnera. Christ est mort bien plus. Et il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Et il intercède pour nous. Et qui il intercède pour nous? Qui le condamnera? Nani nani atawakumu? Christ est mort bien plus. Christ a recouvert na zaidi. Il est ressuscité. Ali fufuka. Et il est à la droite de Dieu. Na eko kume a Mungu. Et il intercède. Na eko notemelea. Si Dieu est pour nous, kama Mungu ni wetu, qui sera contre nous? Naye atatukumbanisha? Chez na Satan atusaidia. Nous, même les diables nous aident. Voyez comment vous taisez. Nous qui allons au ciel, les diables nous aident. Lorsque tu commets la faute, il te dit, toi aussi. Ne dis pas, non, ne me suivez pas. Même lui-même, les diables, il sait. Ces gens ici, ce sont les candidats du ciel. Même lorsque vous prenez le taxi bus vers Lubumbashi, vous allez, vous prenez le bus vers Likasi. Il ne faut pas forcer les choses. Nous, on ne force pas la vie. Notre vie, c'est l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux forcer les choses. Arriver dans le bus, tu vas insulter les gens. Et quelqu'un te regarde. Il dit, hé, vous aussi. Toi, tu pensais qu'on ne te connaissait pas. On nous connaît. Nous avons nos signes particuliers. Nos signes, c'est par les cheveux à la tête. C'est par les ongles, aux ongles. Même au visage. Alléluia. Amen. Et même par notre accoutrement. On nous reconnaît facilement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ninani ou la totenga na mapendo amour? Serait-ce que la tribulation? Et ni mateso mkubwa? Ou l'angoisse? Voilà kuugua? Ou la persécution? Voilà mateso? Ou la faim? Voilà njala? Ou la nudité? Voilà kosoa mavazi? Ou le péril? Voilà kupoteza? Ou l'épée? Voilà mupanga? Selon qu'il est écrit, fata vile meandikwa. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Ni kwa ajili yako jumbe tuua kila siku. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Bene tuangalia sawa kondo inapeleka kuchinja. Mais dans tous ces choses. Lakini mwibitu byo. Que par celui qui nous aide. Si tu n'as chindé à chindage, car j'ai l'assurance que ni la mort, voilà l'ouf, ni la vie, voilà Uzima, ni les anges, ni les, ni les dominations, voilà, ni les choses présentes, voilà, ni les choses à venir, voilà, ni les puissances, voilà, ni la hauteur, voilà, ni la profondeur, voilà, upana, ni aucune autre créature. Voilà, alléluia. Amen. Dada, utembeye bien, ma soeur, santé à Mungu. Marche pas correctement, maman. Non, frère, je t'embeye bien. Ou ma soeur, je ne marche pas bien. Votre frère ici n'est pas correct. Non, toi aussi, tu n'es pas correct. Frère, c'est comment on ne te voit plus ces derniers temps à l'église. Frère, j'ai rétrogradé. Votre soeur m'a fait rétrograder. Tu nous mens, tu n'as pas cru auparavant. Nous, il n'y a rien qui peut nous faire rétrograder. Après avoir reçu Jésus sur cette terre où nous habitons, dans la cité de Kambo où nous retrouvons, il n'y a rien, alors rien de valeur en dehors de Jésus. Inja Jesu Christu. Même si tu n'acceptes pas, ce n'est pas un problème. Et c'est pourquoi nous avons eu des tribulations quand nous avons cru. On avait laissé nos activités parce qu'on nous demandait d'aller mentir. À un moment, je devais aller vivre en Europe. Dans le cadre de réfugiés, je suis allé prendre des renseignements. On m'a dit, vous allez remplir votre casier, mais faussement. Là où j'étais, il y avait ça, et tu vas signer à la fin. Je ne saurais pas faire ça. Il n'y a pas moyen d'aller en Europe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Vous pouvez partir. Je ne saurais pas. Pendant que je suis en train de prêcher, vous qui m'écoutez à distance, il y a quelque chose qui a frappé dans ton cœur. Je ne saurais pas. Si tu le faisais avant la foi, mais après la foi, il y a un problème. Nous, acceptons la souffrance, mais pas briser la parole de Dieu. Mais tu ne vas pas souffrir si tu honores la parole de Dieu. C'est celui qui m'honore. J'ai l'honneur aussi. Je l'honore aussi. Amen. Amen. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pourquoi lorsque vous croyez la parole de Dieu, après la foi, Dieu te demande maintenant de mettre en pratique la parole. Celui qui a passé par une voie correcte en acceptant Jésus-Christ, et même sa marche sera correcte. Ça sera bien. Tu auras une bonne marche de la foi. Et c'est ce qu'on dit dans Tito. Vous allez marcher correctement. Correctement. Très bien. Tite chapitre 3. Verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui croient en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous croyez? Esprit yako. Votre esprit. Il n'a quoi attaché au bintu yako. Il est attaché aux choses célestes. C'est pourquoi, quoi, frère, je crois, la soeur, tu ne peux pas être frère ou soeur ou méchant ou méchante dans l'église. Quand tu vois ta soeur venir avec de jolis pagnes, tu dis qu'ils sont là pour se vanter. Et pourtant, elle n'est pas même dans ça. Ton frère a payé le véhicule. Il en a trois. Et il veut ajouter encore. Ça va faire quoi d'abord tout ça? C'est par méchanceté seulement. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Même si je n'ai pas de chaussures, j'ai des babouches seulement. Ce n'est pas un problème. Ce que j'ai reçu, c'est plus que même les chaussures. Le frère, en ces temps ici, c'est le temps d'implorer Dieu qui puisse nous aider. Après avoir été libéré, pour nous, le monde, ce n'est pas notre demeure. Je pense que vous n'acceptez pas. Et ce n'est pas pour nous. Écoutez ce que la Bible dit. Philippiens, chapitre 3, je crois. Oh, Philippe, sois tatou, Nazani. Oui. Philippiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Philippiens chapitre 3, plutôt Colossiens chapitre 3, premier verset. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ, et Christ est caché avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Dans Philippiens, ça c'est mon ministère. Dans Philippiens, là où j'avais dit. Je vais vous dire quelque chose de très dur. Les chrétiens changement de constitution. Et ils n'attendent pas le changement de la constitution. On ne change pas la constitution. Ça ne nous concerne pas. Vous voyez les chrétiens de tabernacle. Non, ne change pas la constitution. Non, qu'on change la constitution. Ça ne nous appartient pas, cette constitution. Nous, on n'attend pas le changement de la constitution. Nous attendons le retour de Christ. Bon, il faut tout savoir, pas qu'à ville. Nous devons le dire comme ça. Parce que nous avons ba jinga dans l'église. Ensemble. Les cartes de membres de Jinafek. Vous avez fait l'erreur. L'église. Et c'est apolitique. La politique n'est pas, ne nous appartient pas. Amen. Et eux-mêmes, les politiciens, ils savent que cette église, ce sont des gens corrects. Et ils ne sont pas dans nos choses. Nous, on ne s'attend pas à ces choses-là. Nous attendons la nouvelle Jérusalem. Nous les sauver. Écoutez maintenant ce qu'on dit. 3:18. Philippiens 3:18. Car il allait plus Dieu qui marche en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai encore, je vous ai souvent parlé. Et j'en parle encore. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous travaillons, c'est bien. Mais si ces activités vont au-delà de la parole de Dieu, nous refusons. Comme vous voulez mettre dans le balance Jésus-Christ sur balance et votre travail. Et au travail, maintenant, il y a le vol. Et vous acceptez des copes au travail et vous abaissez Jésus. Ça, ce n'est pas bien. Vous devez faire monter Jésus et faire descendre le vol. Vous arrivez au travail. Ton chef te dit, on doit coucher pour t'augmenter la salaire et te payer même le véhicule. Tu regardes le véhicule et l'argent et le poste et tu fais monter toutes ces choses-là et Jésus-Christ descend dans ta vie. Là, tu as commis l'erreur. Nous abaissons tout pour faire monter Jésus. Dès que je suis en train de prêcher ce soir, dans les dénominations, on ne peut jamais prêcher comme ça. Pourquoi ils ne peuvent pas prêcher comme ça? Parce qu'ils sont en train de mélanger la parole des hommes et leur propre et la parole de Dieu. Mais nous, nous n'avons pas de mélange. Ni retour à la parole. Ni kurudi shakuneno. Et leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire en ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ici, il y a même le prédicateur. Frère. Duku. La mission que Dieu nous a confiée pour prêcher, ce n'est pas pour que nous soyons vantés, que nous soyons connus, ou qu'on nous donne des biens. Si on nous donnait les choses, si on ne nous donne pas, mais notre mission principale, c'est que toi tu puisses connaître Christ, que tu puisses te séparer avec le monde, recevoir le Saint-Esprit et que tu puisses aller dans l'enlèvement. Oh, l'église ne me regarde pas, on ne m'assiste pas. Ça, ce n'est pas un problème. Même si l'église ne t'assiste pas, nous avons le plus grand qui nous assiste, c'est le Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus. Frère, on ne me donne même pas la prédication pour prêcher. Voilà pourquoi j'ai quitté cette église. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a appelé. Mais notre cité à nous n'est pas, notre cité à nous est dans les cieux. Lakini mji wetu uko mbinguni. Alléluia. Amen. Dieu nous attendons comme sauveur et Seigneur. Mbona tunachunga sana mkombozi na Bwana. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Qui transformera le corps de notre humiliation. Ula tabadilisha mwili au fezeresha kwetu. Le rendra semblable à son propre corps. Mukufanya na kwa inafanana na mwili yake. Par sa gloire. Kwa utukufu yake. Par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Uwezo ile kunayo ya kutiisha vitu vyote. Mwili ya ayaim. Ce corps d'humiliation. Mwili moya ya bule sana. Un corps de néant. Lorsque vous marchez dans le riz, vous regardez les femmes qui mettent, sont en train de se farder avec des paupières. Quand vous les regardez, vous avez pitié d'eux. C'est un corps d'humiliation. Nous attendons le Seigneur Jésus. C'est lui qui va nous donner de nouveaux corps. C'est lui qui a cru véritablement. Il doit manifester, connaître ma lama. Amen. Connaître ma lama, c'est dit que moi, je crois. Et le signe qu'on doit montrer, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous aime beaucoup. Donc, cité yetu, notre cité, ce n'est pas ça. Le monde ici pour lequel les gens sont en train de se cafouiller. Les Katangé disent, c'est notre Katanga. C'est notre nos héritage. Ou bien, les autres disent, oh, c'est notre Congo, c'est notre pays. Nous, on ne se bat pas pour les Katanga. On ne va pas se cafouiller pour les Congo. Nous les disons comme ça, pour que vous les chrétiens, vous sachiez que c'est lui à qui pour nous cafouiller, c'est seulement le Seigneur Jésus. Et puis jusqu'à passage. Nous, jusqu'à présent. Personne ne va nous dominer. Nous n'avons pas un supérieur qui va nous dominer. Le seul dominateur qui domine sur nous, ni Bonaïs. Notre niveau. Passons nous prêcher. C'est vraiment un niveau très élevé. C'est avec quoi que tu vas me dominer quoi on t'awala. Moi je suis dominé par la parole. Neno Dieu n'tawala. Amen. Ah. Notre cité. Muji yetu. Aina tena hii. Ce n'est pas ça. Cité yetu. Notre cité est au ciel. Un Jean. Yohana wa kwanza, chapitre 4, ini. Verset yake, Jean chapitre 4, verset ya. Yohana wa kwanza sura ine, mustari ya tisa. Qui t'a dominé? Il y a personne qui va nous dominer. Le seul qui nous a déjà dominé pour du bon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous bénit énormément. Malgré ma tesso, malgré des souffrances, nous mangeons toujours. Et il nous assiste. Quand on a expliqué, lorsque nous avons expliqué, nous ne saurons même pas expliquer tout ça. C'est Dieu du ciel. Il est notre Père. Et le Père des oiseaux, c'est lui notre Père. Et bien, c'est ma 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura ini. Verset 8. Mustari yake ya 8. C'est lui qui n'aime. 1 Jean chapitre 4. Oui, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Mapendo ya Mungu ilionekanisha kwetu. En ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Mwili akusema alituma mwana wake wa pekee mudunia. Afin que nous vivions par lui. Kusudi tupate kuishi kupitia yeye. Et cet amour consiste. Na ile mapendo. Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Aina kusema si tulimpenda Mungu. Mais en ce qu'il nous a aimé. Mais ni yeye alitupenda. Et a envoyé son fils. Mwenye kutuma mwana wake. Comme victime expiatoire. Sawa zabiu ya ondoleo. Pour les péchés. Dieu a zambi. Bien aimé. Mapendo. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Na si tunapasa kupendana pamoja na bengi. Kanisa yote mule unaingia. Toute église où vous entrez. Muko ma groupe ya kikabila. Il y a des groupes tribales. Aina ya bakroyant. Ça ce n'est pas l'église des croyants. Ni ya ba démon. C'est l'église des démons. Ni kanisa ya mashetani. Bale bote Yesu alikuwa rekonsilie ku msalaba. Tous ces gens que Dieu a réconciliés à la croix. Alipomo na esprit ya kikabila. Il a brisé l'esprit tribal. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas encore détruit en toi, ce soir, il ne faut pas quitter avec cet esprit tribal ici. Tu vas manquer l'enlèvement. Jésus, il a brisé l'esprit tribal, l'esprit des Grecs, des Juifs. Tous ces mondes-là, il a détruit leurs esprits tribaux. Il nous a fait un. Et là, j'ai toujours fait une déclaration choquante. Moi, depuis que j'ai cru, si je regarde dans notre généalogie, mes frères par la chair, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a déjà fait quelque chose d'important plus que les chrétiens. Et nous irons avec eux jusqu'au ciel. Ma soeur, ma frère, Dukudada, message, ce message est le vrai. Puis, m'ambele, mon catholique. Ose d'abord, dans l'église catholique. Wende tu fike quelque part à Lusaka. Arrivé, va à Lusaka. Nafika ku kuvwa unakombola. Tu arrives seulement au couvent, tu toques. Sema niko mukristo wa Kambov. Je suis chrétien catholique de Kambov. Nafika kulala huko. Je viens passer nuit dans votre couvent. Asiwe vile mtaishana. Ah, je ne sais pas comment on va attaquer là-bas. Mesheye. Mais nous. Unafika tu kwa mundu. Tu arrives chez quelqu'un. Dio mala ya kwanza. C'est vraiment la première fois. Il te met même beaucoup de confiance. Dio mana mwebe kona nifuata en ligne. Vous qui suivez à l'internet. Ba bizeur. Ba munenda kwa la biche. Unaenda kunyumba ya mundu. Vous allez dans la maison. Ana kupokelea. Itarisi. Unaenda kutafuta ba jeune fille. Tu commences à courtiser ses filles. Kama una na mulogi. Si tu n'es pas sorcier. Uko malari. Tu es malade. Mesheye. Mais nous. C'est Jésus ici. Il a détruit l'inimitié. Il nous a fait une seule personne. À Jésus Christ. Dani ya Yesu Christ. Être pardonné nos péchés. C'est un niveau très élevé. Et Dieu anaondoa, anajimisha mazambi yetu yote. Et il ne nous impite plus nos péchés. Na Christo, et la chrétienne aina tena kuforce. Ce n'est pas quelque chose de forcé à kukazisha tena pas. C'est une vie, ni maisha. Même si tu essaies de forcer un peu, c'est une vie, ni maisha. Et cette vie-là, cela nous demande onjo. Que nous puissions nous séparer na mazebu. Ma dénomination, les dénominations, ma pasteur, babo, leur pasteur, il dit souvent, allez en paix avec le Seigneur. Mais celui qui dit aller en paix avec le Seigneur, c'est un fumeur du chanvre, c'est un ivrogne, c'est un adultère. Alléluia. Amen. Anacha kupenta bilole. Le vernis aux ongles. Il a rouge et noir. De mèches, c'est pas rouge noir. Avec des histoires aux lèvres. Et puis il dit, mwende katika salama abwana. Est-ce que lui là, il a la paix? Regardez comment vous avez bougé, vous avez secoué vos têtes. Parce que vous n'avez pas, vous avez échoué de dire amen. Il n'a pas la paix. Mais ici. Quand on vous dit, allez en paix avec le Seigneur. Salama na bwana. Et toi-même, quand tu acceptes amen. La vie, amen. Parce que tu sais que dans les mensonges, je ne suis plus là. Quelqu'un ment même l'argent qu'il a pris dans la poche de son mari. Il essive les habits de son mari. Quand son mari rentre, j'avais laissé quelque chose dans la poche, dans le pantalon tel. J'avais laissé 200 dollars dans le pantalon. J'avais laissé l'argent dans le pantalon. Vérifie un peu dans d'autres pantalons là. Hein. L'argent, je ne vois pas. Même toi aussi. Je vais prendre cet argent. Et pourtant, elle a déjà pris. Allez en paix avec le Seigneur. Elle aussi, elle accepte. Amen. Toi, tu as en paix, toi. Alléluia. Jésus, il est à la porte. De toute façon, je suis en train de prêcher. Moi-même, je me sens fier. De pour le pardon de mes péchés. On nous a déjà pardonné. Et après avoir été pardonné, nous devons expérimenter Dieu. Nous devons expérimenter Dieu. Dieu, il est devenu notre Père. Et nous devons maintenant faire avec lui des expériences. L'Église. On nous amène dans des expériences. Ce n'est pas avoir beaucoup de connaissances. Très bien. Avoir beaucoup de connaissances, c'est Mizuri. Mais nous devons vivre kuishi neno. Et nous la mettons en pratique. Expérience. Onjo. Pardonné. Maubiri kusamewa. Page yake ya 17. Karatasi yake ya 17. Paragraphe ya 42. Dans son paragraphe 42. C'est ainsi qu'il a né d'une expérience chrétienne. Jovile iko onjo ki Kristu. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer. Aina kitu kimwa kile womyo na pima kutunga ko. C'est quelque chose derrière qui opère en vous. Qui na tumika ndani yako. C'est la vie éternelle. Uzima wa milele. Qui s'aime. Yenye kuna tembea, qui marche, kuna ishi, qui vit, qui jaillit. Iko na toka ndani yako. Alléluia. La vie éternelle qui jaillit se conformant à l'écriture Yesu alisema et l'Ancien Testament inasema. L'Ancien Testament qui dit que wakati ule mokozi atakuya. Lorsque ce sauveur viendra. Il a donné une prophétie, plusieurs prophéties. Anasema, et puis il a dit à la fin. Tatoka mjangu. Ah, l'eau jaillira dans les déserts. Alléluia. L'eau sortira dans une terre sèche, desséchée. C'est le Saint-Esprit en nous. Donc, qui s'acquittera? Après avoir accepté que Jésus-Christ a pris tous nos péchés, nous devons manifester le signe. On est kanisha à l'âme. Là, il est à l'âme. Et ce signe-là, c'est le Saint-Esprit. Et je vais le dire encore tout doucement. Le Saint-Esprit, c'est notre droit. Parce que nous n'avons plus le péché. Quand nous commençons à expliquer les avantages liés au pardon du péché, c'est tellement beaucoup. Donc, nous t'as pas choqué na salama. Vous devez être en paix. Na wakati tunaamini. Et lorsque nous croyons, neno ya Mungu, la parole de Dieu, ma promesse ya Mungu, le kuya yetu. Promesse de Dieu nous appartient. Nous acceptons tout par oui et amen. Ce ne sont pas nos promesses. Mais le promesse qui appartenait à Jésus-Christ, après avoir vaincu, c'est devenu le nôtre. Autrement dit, je vais lire tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Après avoir vaincu, nous aussi, nous les faisons aussi. Il a même promis les œuvres que j'ai faites. Il a fait. Vous le ferez. Le temps, on va regarder avec Katatu. Nous ne pouvons pas être une église. Des gens qui n'ont pas de puissance. Nous n'avons pas de raison pour manquer la puissance. Non. Celui qui peut nous faire manquer la puissance, c'est le diable. Shétan. Maintenant que le diable a été vaincu, et ce soir, nous avons la puissance. Tuko na uwezo. Nous avons les pouvoirs. Tuko na mamulaka. Alléluia. Amen. Tuko na puissance. Nous avons la puissance. Tuko na pouvoir. Nous avons le pouvoir. Les gens qui s'en vont dans des villages, ils dorment. J'ai vu un homme, il s'est introduit dans la maison, il m'a étranglé au niveau de la cour. Et cet homme a dit, toi tu n'es pas dans les choses de Dieu. Nous, ces choses-là ne peuvent jamais nous arriver. Parce que nous avons la promesse de la parole de votre Dieu. Votre sommeil sera doux et paisible. Ah, ça, il est temps. J'ai vraiment envie de prêcher, mais il est temps. Nous allons terminer notre pensée demain, si Dieu nous accorde. Que Dieu vous bénisse.